إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, on se retrouve ce soir pour reprendre la lecture et l'étude de Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité de l'imam Muhammad ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Nous avons vu dans les chapitres précédents que l'auteur nous a exposé certaines choses commises par les adorateurs de tombes, comme les différentes formes de polythéisme qu'ils vouent auprès de celles-ci en adorant les morts et s'opposant ainsi au tawhid et au culte exclusif qui doit être voué à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous allons voir aujourd'hui le 19e chapitre dans lequel l'auteur rahimahullah ta'ala nous a démontré la cause qui les a menés à cela, qui les a menés à tomber dans le polythéisme et dans l'adoration des morts, et à leur vouer le culte en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car connaître la cause pourra nous permettre, bi'inillahi ta'ala, de prendre garde à cela et de nous en écarter afin de nous en préserver. Il a donc intitulé ce chapitre « Chapitre sur ce qui est rapporté au sujet du fait que la cause de la mécréance des enfants d'Adam et de leur délaissement de leur religion est l'exagération à l'égard des vertueux. » L'exagération à l'égard des vertueux est donc ce qui a mené les hommes à tomber dans le polythéisme et à adorer des tombes ou des statues en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'exagération dans la langue arabe, al-ghulu, cela désigne le dépassement des limites. Et dans la législation, cela désigne le dépassement de la limite légiférée, c'est-à-dire légiférée religieusement. Et l'exagération à l'égard des vertueux, c'est le fait de dépasser les limites dans leurs éloges, ou alors en les élevant à un rang qui n'est pas le leur, comme par exemple en leur vouant certaines adorations en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas de doute que les serviteurs vertueux d'Allah subhanahu wa ta'ala, en commençant par les prophètes et les messagers alayhim salatu wassalam, ainsi que ceux qui les suivent de la meilleure manière, il n'y a pas de doute que cela, ils méritent notre amour et notre respect. Il est également légiféré pour nous de les suivre dans le bien et la piété. Toutefois, cet amour, ce respect et ce suivi, il a une limite à ne pas dépasser. Et cette limite, comme on a dit, c'est de ne pas exagérer dans leurs éloges, en leur attribuant des qualités qui ne sont pas les leurs, en leur attribuant des choses qui sont spécifiques à Allah subhanahu wa ta'ala, ou encore en croyant qu'ils ont la faculté de nuire ou de profiter, et qu'ils administrent certaines choses dans cet univers, ou qu'ils sont des intermédiaires entre les créatures et leur Seigneur, ou autre encore parmi les formes d'exagération dans lesquelles sont tombées nombre de personnes se réclamant aujourd'hui de la religion de l'islam, comme on le retrouve notamment dans nombre de confréries soufis et autres que parmi ceux qui vouent les adorations aux tombes en raison de leur exagération à l'égard des vertueux. C'est donc cette exagération qui les a fait tomber dans le shirk, et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit al-ghulu, l'exagération dans la religion et l'exagération à l'égard des pieux et des vertueux, comme l'auteur rahimahullah ta'ala va nous le démontrer dans ce chapitre, et ce à travers la mention de deux versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de trois hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a donc commencé en mentionnant une partie du verset 171 de Surat al-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Ya ahl al-kitab, la taghlu fi dinikum. » Ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion. Les gens du livre, ce sont les juifs et les chrétiens. Comme on l'a mentionné dans des cours précédents, ils ont été appelés ainsi en raison du fait qu'un livre a été révélé au prophète auquel il s'affilie. La Torah a été révélée à Moussa alayhi salam et l'évangile à Isa alayhi salam. Et cette appellation, il ne faut pas penser que c'est pour eux un compliment, Au contraire, cette appellation leur rappelle qu'un livre leur a été révélé, mais qu'ils n'ont pas suivi les enseignements de ce livre. Au contraire, ils s'y sont opposés, ils ont altéré ces livres et se sont opposés au message de Moussa et de Issa, alayhim assalam. Donc, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala les nomme gens du livre, Ahl al-Kitab, ceci est en réalité un blâme car ils n'ont pas suivi le livre qui leur a été révélé. Il dit donc dans ce verset, selon le sens rapproché, aux gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion. Ce verset est donc une interdiction explicite de l'exagération en religion. Et l'exagération, elle peut avoir lieu par les paroles, et elle peut avoir lieu également par la croyance. On a dit l'exagération, c'est le dépassement des limites. Donc, l'exagération en religion, c'est le dépassement des limites légiférées dans les adorations, comme en les faisant d'une manière qui n'est pas légiférée, ou d'un nombre qui n'est pas légiféré, ou en un temps qui n'est pas légiféré, et ainsi de suite. Et l'exagération, elle peut également avoir lieu au sujet des personnes. N'exagérez pas dans votre religion, c'est-à-dire en exagérant au sujet des vertueux, et notamment au sujet des prophètes et des messagers, alayhimus salatu wassalam. N'élevez pas une créature au-dessus du rang qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Et bien que ce verset s'adresse aux gens du livre, c'est en même temps une mise en garde pour nous les musulmans, une mise en garde pour notre communauté de ne pas faire avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ce qu'ont fait les chrétiens avec Isa alayhi salam, Jésus en français, et ce qu'ont fait les juifs avec Uzair. Les chrétiens, ils ont exagéré au sujet de Isa alayhi salam. Ils ont dit Jésus, c'est lui le Seigneur, c'est lui le Dieu. Ou ils ont dit Jésus est le Fils de Dieu, ou le troisième des trois. Et tout ceci est de l'exagération à son égard, car, comme on l'a vu dans un cours précédent, Isa alayhi salam est un serviteur et un messager d'Allah. Il ne possède aucun attribut de la Seigneurie et ne mérite en aucun cas d'être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout comme l'ensemble des prophètes et des messagers alayhimus salatu wassalam. Et les juifs également ont dit au sujet de Uzair qu'il est le fils d'Allah. Ils ont donc exagéré au sujet des vertueux, notamment au sujet des prophètes, et l'auront alors voué l'adoration au lieu de la vouer à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous met donc en garde contre le fait d'emprunter leur chemin. Il nous avertit afin que nous soyons sur nos gardes, que nous nous écartions de leur voie, que nous ne nous assimilions pas à eux, et que nous donnions aux prophètes et aux messagers alayhimus salatu wassalam leur juste place, sans exagération ni laxisme. Mais malheureusement, ces formes d'exagération se sont produites au sein de la communauté. Certains ont exagéré à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses éloges, comme on l'a vu dans un cours précédent, notamment dans le poème Al-Burda à titre d'exemple d'Al-Busayri, qui attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam des choses qui sont propres à Allah subhanahu wa ta'ala. Également, on le retrouve dans de nombreuses confrérie soufie, qui vouent le culte aux morts, aux vertueux, aux walis, aux saints, et tout ceci en raison de leur exagération à leur sujet. Et ceci relève du polythéisme, et c'est une forme d'opposition à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Car comme on va le voir à travers de nombreux hadiths, que ce soit dans ce chapitre ou dans les chapitres suivants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sévèrement mis en garde sa communauté contre le fait d'exagérer à son sujet. Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, a dit selon le sens d'une de ses paroles, que quiconque parmi cette communauté s'assimile aux juifs et aux chrétiens en exagérant dans la religion, alors il est semblable à eux. On demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous en préserver. Ensuite, le Cheikh, rahimahullah ta'ala, a mentionné un second verset, qui est le verset 23 de Surat Nuh, et il a mentionné avec celui-ci une parole d'Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, nous expliquant le sens de ce verset. Il a donc dit, on trouve dans l'authentique, et ce qui est visé par l'authentique ici, c'est l'authentique de l'imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. D'après Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, qu'il a dit au sujet de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَصْرًا. Et ils ont dit, c'est-à-dire les polythéistes du peuple de Nuh, alayhi salam, N'abandonnez jamais vos divinités. N'abandonnez jamais Wad, Suwa', Yaghouth, Ya'uq et Nasr. Il dit, c'est-à-dire Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhumah, ce sont des noms, c'est-à-dire ces cinq noms qui sont mentionnés dans le verset, ce sont des noms d'hommes vertueux du peuple de Nuh, alayhi salam. Lorsqu'ils sont morts, le diable a inspiré à leur peuple d'ériger des statues à leur effigie dans les lieux où ils avaient l'habitude de s'asseoir et de les nommer par leur nom, c'est-à-dire de nommer les statues par les noms de ces hommes vertueux qui étaient morts. Ils firent donc cela sans qu'elles soient adorées, jusqu'à ce que cette génération s'éteigne, c'est-à-dire la génération qui ont connu ces hommes vertueux et qui ont façonné ces statues à leur effigie, jusqu'à ce que cette génération s'éteigne et que la science soit oubliée. Elles furent alors adorées. Ensuite, le shir, rahimahullah ta'ala, nous a mentionné une parole d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, nous clarifiant la parole d'Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala, anhumah. Il dit, Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, a dit, « Plus d'un parmi les prédécesseurs ont dit que lorsqu'ils sont morts, c'est-à-dire ces vertueux, les gens s'établirent auprès de leur tombe, puis ils firent des statues à leur effigie, et après un long moment, ils les adorèrent. » C'est-à-dire que ce n'est pas ceux qui ont façonné les statues qui les ont adorés, mais la génération suivante, comme l'a dit Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhumah. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne la parole de ces polythéistes du peuple de Nuh alayhi salam, qui s'enjoignaient les uns les autres à ne pas abandonner leur divinité. Et ces noms qui sont mentionnés, ce sont donc des noms d'hommes vertueux, qui étaient sur la vérité et la religion authentique. Car, après Adam alayhi salam, les gens étaient sur le tawhid, sur la religion de vérité. Ils vouaient tous le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils suivaient la religion de Adam alayhi salam, et ce durant 10 siècles. Donc ces hommes vertueux, ils ont vécu durant cette époque. Et lorsqu'ils sont morts, et on rapporte qu'ils sont tous morts la même année, les gens furent grandement affligés. Ils étaient très tristes qu'ils soient morts, et ils pleuraient beaucoup. Alors le diable a saisi cette occasion. Il a profité de ce moment d'affliction, ce moment de faiblesse, ce moment de tristesse, et il leur a suggéré une chose qui en apparence paraissait être un bon conseil, mais qui en réalité était une ruse et une tromperie. Il leur a suggéré de façonner des statues à leur effigie, et que ces statues soient érigées dans les lieux dans lesquels ils avaient l'habitude de s'asseoir. Et l'objectif à travers cela était de se motiver dans l'adoration. C'est-à-dire que lorsqu'ils voyaient ces statues, ils se rappelaient de ces hommes vertueux, ils se rappelaient de leurs adorations, de leur piété, de leurs vertus. Alors, cela les motivait à accomplir des adorations qu'ils vouaient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le diable, il est venu à eux sous l'aspect d'un bon conseiller. Il leur a suggéré cela, une chose qui avait pour objectif d'être un moyen pour les motiver à l'adoration, à la piété et à la vertu. Car en se rappelant de ces hommes vertueux, cela les motivait à les prendre pour modèles et à suivre leur voie. Toutefois, en réalité, ce qui paraissait être un bon conseil était une ruse de la part du diable. Et le diable, il a projeté sa ruse bien loin, car il y va pas à pas. Il visait donc les générations suivantes et non pas la première génération à qui il a suggéré cette idée. Car il savait que cela, ils avaient la science. La science était encore présente. Ils étaient sur le tawhid. Ils vouaient leur culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont donc seulement accepté ce conseil de sa part car il paraissait être un bon conseil. Mais ils sont tombés dans cette innovation. L'innovation du fait de façonner des statues afin de se rappeler des vertus. Et ceci est une preuve que les innovations, elles sont interdites dans leur globalité. Même si elles paraissent être bonnes en apparence. Même si l'intention de leurs auteurs est bonne et qu'ils ne veulent que le bien. Regardez eux ici, ils ont instauré cette innovation. Ils ont fait ces statues à l'image de ces hommes vertueux et n'avaient pas pour objectif de les adorer. Ces statues n'ont pas été adorées au temps de la première génération. Mais lorsqu'ils sont morts et que la science a été oubliée, c'est-à-dire que les gens de science sont morts, car le diable, il n'a pas d'emprise généralement en présence des savants. Car les savants, ils se dressent contre lui, ils lui résistent, ils rejettent sa ruse, ils rejettent ses tromperies. Mais il n'a de l'emprise qu'en l'absence des savants. Donc Ibn Abbas nous dit, lorsque ceux-là sont morts, la première génération, et que la science a été oubliée, c'est-à-dire que les savants sont morts, alors ces statues ont été adorées. Le diable est revenu à eux et leur a dit, vos ancêtres n'ont érigé ces statues que dans le but de se rapprocher d'elles et de les adorer. Alors ils l'ont cru et ils ont voué le culte aux statues. Et à partir de ce moment-là, le shirk, le polythéisme, est apparu sur terre et la religion de Adam alayhi salam a été altérée. Allah subhanahu wa ta'ala envoya alors Nuh alayhi salam, qui est le premier messager envoyé aux gens sur terre. On voit donc à travers cela que la première apparition du shirk sur terre, sa cause fut l'exagération à l'égard des vertueux. Allah subhanahu wa ta'ala a donc envoyé Nuh alayhi salam afin d'interdire cela et afin de ramener les gens au tawhid, mais seul un petit nombre de personnes a cru en lui et ils se sont obstinés dans l'adoration de ces statues au Allah al-Musta'an, comme il est dit dans le verset وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ et ils ont dit n'abandonnez jamais vos divinités. Et comme on le voit dans la parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, ceci ne s'est pas fait d'un coup. Lorsque les vertueux sont morts, ils ont d'abord commencé à s'installer, s'établir auprès de leur tombe, en y restant longuement pour se recueillir. Puis la deuxième étape est qu'ils ont érigé ces statues. Et la troisième étape, après un long moment, après que la première génération se soit éteinte et que vienne une génération qui n'avait pas la science, alors ils ont adoré ces statues. On tire donc de cela de nombreux bénéfices. Premièrement, on voit à travers cela l'interdiction de l'exagération à l'égard des vertueux, car ceci mène au polythéisme. Et c'est pour cela que le cheikh, rahimahullah ta'ala, a mentionné ce récit dans ce chapitre. Et cela est très clair. Il a intitulé ce chapitre Chapitre de ce qui est rapporté au sujet du fait que la cause de la mécréance des enfants d'Adam et de leur délaissement de leur religion est l'exagération à l'égard des vertueux. On a donc vu que ce qui a mené le peuple de Nuh alayhi salam à tomber dans le polythéisme, c'est l'exagération à l'égard des vertueux. Ceci est donc une réfutation très claire de ceux qui adorent les tombes aujourd'hui et qui appellent à ériger des constructions au-dessus des tombes, des mausolées, et prétendent que ceci fait partie de l'amour des vertueux. Ils disent que ils invoquent les vertueux, ils les prennent pour intercesseurs, ils leur vouent des sacrifices, ils leur vouent des vœux, ils recherchent la bénédiction à travers la terre de leur tombe ou les murs de leur tombe, et ils pensent que ceci ne fait pas partie du polythéisme. Mais ils disent ceci est une manière de manifester notre amour et notre respect à l'égard des vertueux. Et si tu viens les blâmer et les condamner pour cela, leur dire que cela relève du polythéisme, que cela est interdit, alors ils vont t'accuser de détester les vertueux, de ne pas les respecter. Ils ont qu'inversé les choses, car aimer les vertueux, ce n'est pas de leur vouer des adorations qui sont réservées à Allah subhanahu wa ta'ala. Aimer les vertueux, ce n'est pas de croire qu'ils ont des attributs qui sont propres à Allah subhanahu wa ta'ala, comme le fait d'écouter les invocations de ceux qui les invoquent et d'y répondre. Ceci est quelque chose qui est propre à Allah subhanahu wa ta'ala et dont les morts ne sont pas capables. Donc comment prétendre que faire des choses qui s'opposent à la religion et à la raison fait partie de l'amour des vertueux. Et quoi qu'il en soit, ce verset, avec son explication, il réfute cela et il démontre clairement que ceci ne fait pas partie de l'amour des vertueux, mais que c'est de l'exagération à leur égard, et que ceci relève du polythéisme majeur dont l'auteur sort de la religion de l'islam. Le deuxième bénéfice que l'on tire de cela est que l'exagération à l'égard des vertueux fait partie de la voie des juifs et des chrétiens. Comme on l'a vu dans le premier verset, ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion. Donc l'exagération à l'égard des vertueux, cela fait partie des habitudes des juifs et des chrétiens, de leurs traditions, et cela ne fait pas partie des traditions des musulmans. Donc, ceux qui adorent les tombes aujourd'hui, ils ont comme prédécesseurs, non pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum, mais ils ont comme prédécesseurs les juifs et les chrétiens, walayadu billah. Le troisième bénéfice que l'on tire de cela, c'est la mise en garde contre ce que l'on appelle en arabe taswir, qui peut être traduit par le fait de façonner des images, ou encore, à notre époque, la photographie, ou ce qui est semblable à cela. Car le taswir, le fait de façonner des images, c'est une cause menant au polythéisme. On a vu à travers ce récit que la cause de l'apparition du shirk sur terre est le fait que ces statues furent façonnées et érigé. Et ceci est une des causes de l'interdiction du taswir, du fait de façonner des images, car ceci mène au polythéisme. Certaines personnes pourraient se dire, oui, mais aujourd'hui j'affiche ce cadre de la photo d'un proche décédé, de mon père ou de ma mère, c'est simplement pour me rappeler de lui. Je ne vais pas l'adorer. Comment je pourrais adorer une photo? Comment je pourrais adorer un portrait? Nous lui répondons alors, de la même manière, les gens du peuple de Noé, alayhi salam, ils ont érigé ces statues et ils n'avaient pas pour intention de les adorer. Au contraire, ils avaient une bonne intention, se rappeler des vertueux afin de se motiver à l'adoration. Malgré cela, ceci fut la cause de l'apparition du polythéisme. C'est donc une des raisons pour lesquelles ceci est un grave péché, et on verra plus de détails à ce sujet dans un chapitre à venir, inshallah ta'ala. Le quatrième bénéfice que l'on tire de cela est l'interdiction de l'innovation en religion, et que l'innovation mène au polythéisme. En effet, les gens du peuple de Noé, alayhi salam, ils ont instauré cette innovation, le fait de façonner des statues à l'effigie des vertueux, et ceci afin de se rappeler d'eux et ainsi de suite. Mais ceci a conduit les générations suivantes à les adorer en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que les gens de science ont dit que l'innovation, elle mène au polythéisme, même si ce n'est qu'après un long moment. C'est-à-dire que la personne ne va pas forcément tomber immédiatement dans le polythéisme. Mais ceci va lui conduire car l'innovation l'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'éloigne du droit chemin. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver et de nous raffermir sur la vérité. Le cinquième bénéfice que l'on tire de cela, c'est qu'il y a en ce récit une preuve que la bonne intention, elle ne justifie pas et elle ne permet pas d'accomplir une œuvre qui n'est pas légiférée. En effet, il y a certaines personnes, ils te disent, je fais cela mais j'ai une bonne intention. Je souhaite me rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je souhaite me rapprocher de mon Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et ainsi de suite. Et ils accomplissent des choses qui ne sont pas légiférées. Il accomplit une prière à un moment où il est interdit de prier. Il accomplit un jour de jeûne en spécifiant une date à laquelle il n'est pas légiféré de jeûner. Il te dit oui, mais mon intention est simplement de me rapprocher de mon Seigneur subhanahu wa ta'ala. Cette bonne intention, elle n'est pas suffisante. Regarde le peuple de Nuh, alayhi salam. Leur intention était bonne. Lorsqu'ils ont façonné ces statues, ils voulaient se motiver à l'adoration. Ils voulaient se rappeler de la situation de ces hommes vertueux. Ils n'ont aucunement eu l'intention de donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais leur intention, leur objectif, il était bon. Mais à partir du moment où la chose est une innovation, qu'elle n'est pas légiférée, elle est interdite, elle peut mener au polythéisme, même si ce n'est qu'après un long moment. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la bonne intention, elle ne justifie pas et elle ne permet en aucun cas d'accomplir une œuvre qui n'est pas légiférée. Le sixième bénéfice que l'on tire de cela, et c'est un bénéfice immense, c'est le mérite de la science et des gens de science, et le bienfait de leur présence, et le mal qu'il y a dans leur perte et leur absence. Car le diable, comme on l'a vu, il n'est pas venu appeler au polythéisme en présence de la science et des savants. Il n'a appelé au polythéisme qu'après que la science fut oubliée et que les savants sont morts. Ceci est donc une preuve que la présence de la science et que la présence des gens de science comporte un bien immense pour la communauté et que leur perte est un grand mal pour les musulmans. Le septième bénéfice est qu'il y a dans ces récits et qu'il y a dans ce récit une mise en garde contre la ruse du diable, et qu'il peut te faire paraître une chose qui est mauvaise comme étant une bonne chose, et ce afin de te tromper. Mais également, on voit qu'il y va par étapes, pas à pas, afin d'égarer les gens. Et tout ceci fait partie de sa ruse. Premièrement, il va te faire passer une chose qui est mauvaise en te la présentant sous une belle apparence. Ceci est la première étape, puis ensuite il continue, pas à pas, jusqu'à mener la personne au polythéisme et à la mécréance ou à l'iyadu billah. Et ceci ne se limite pas au diable parmi les djinns, mais cela est aussi pratiqué par les démons parmi les hommes. En effet, les prêcheurs à l'égarement, ceux qui appellent au mal, à l'innovation, ou pire encore, à la mécréance et au polythéisme, ils rusent de la même manière avec les musulmans, de la même manière que ruse le diable. Ils enjolivent aux gens les innovations, ils leur présentent comme étant des moyens de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils leur enjolivent le fait de vénérer les vertueux, de révérer leurs tombes, de faire des sacrifices auprès de celles-ci. Il leur enjolive ces actes petit à petit, ambiguïté après ambiguïté, jusqu'à faire tomber la personne dans l'égarement. C'est pour cela que l'on dit sans cesse que le musulman doit être sur ses gardes au sujet de qui il apprend sa religion. Parfois, certaines personnes, lorsqu'on les met en garde contre certains sites tenus par des inconnus ou tenus par des gens ignorants qui n'ont pas les aptitudes, qui ne sont pas connus pour leur science, me disent oui, mais sur ce site, je vois du bien. Sur ce site, je lis les paroles des savants de la sunna. Oui, mais telle personne, quand je l'écoute, il me rappelle certaines adorations. Il me motive à ma prière, il me motive à jeûner, à me rapprocher d'Allah. Il m'apporte du bien. Et ainsi les gens se font tromper. Car en parallèle de ce bien, il y a un grand mal qui se propage. Comme certaines innovations, certaines choses contraires à la sunna, certaines choses qui ne sont pas légiférées. Et ainsi de suite, parmi les choses qui sont propagées par des gens ignorants ou par des gens aux mauvaises intentions parmi les prêcheurs à l'égarement et à l'innovation. Ne pense pas que ces gens vont venir à toi et te dire, je t'appelle à t'opposer à la sunna du messager d'Allah. Je t'appelle à suivre une autre voie que celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je t'appelle à innover dans la religion. Ne vont pas venir comme cela. Mais ils vont te présenter les choses sous un bel aspect. Et ce, afin de te tromper et de t'égarer. Le huitième bénéfice que l'on tire de ce récit, c'est l'interdiction de l'exagération à l'égard des tombes des vertueux. Comme on le voit à travers la parole d'Ibn al-Qayyim, Rahimahullah ta'ala, qui a dit que lorsque ces hommes vertueux sont morts, les gens se sont établis auprès de leur tombe, c'est-à-dire qu'ils allaient auprès de celle-ci afin de se recueillir. Ceci est donc une mise en garde contre l'exagération à l'égard des tombes des vertueux et le fait d'ériger des constructions au-dessus de celle-ci. Et ainsi de suite parmi les différentes formes d'exagération qui mènent au shirk, au polythéisme, comme cela est présent dans nombre de pays aujourd'hui, Wallah al-Musta'an. Et on verra les détails à ce sujet dans les chapitres suivants, Inch'Allah ta'ala. Enfin, le neuvième bénéfice que l'on tire de cela, c'est une règle très importante qui revient dans de nombreuses questions religieuses et qui est le fait que repousser les méfaits afin de les éviter est prioritaire au fait d'obtenir des bienfaits. Ceci est une règle connue chez les savants. Regardez ce qu'ont fait le peuple de Nuh alayhi salam. Il y avait un intérêt partiel en cela, qui était le fait de se rappeler de la situation des vertueux. Il y avait donc un certain bienfait, car cela leur permettait de se motiver dans l'adoration. Mais le méfait qu'il y avait derrière cela était plus grand, car cela les amenait au polythéisme. Donc il se peut que l'on doive parfois abandonner certaines choses qui comportent certains intérêts, mais dans le but de se préserver de méfaits qui sont plus grands. Comme on l'a mentionné à travers l'exemple des sites internet ou des différents orateurs, etc., qui peuvent appeler ou présenter certaines choses qui sont bonnes. Il y a un certain intérêt qui est partiel à consulter leur site ou à les écouter. Mais cet intérêt, il est mineur comparé au grand mal qu'il y a derrière cela, et qui est le fait de t'égarer du droit chemin, de t'écarter de la sunna, et de tomber dans l'innovation et l'égarement. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné trois hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, et d'après Omar, c'est-à-dire Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'exagérez pas à mon sujet comme les chrétiens ont exagéré au sujet du fils de Mariam. Je ne suis qu'un serviteur, alors dites le serviteur d'Allah et son messager. Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il interdit Al-Itra à son sujet. Et Al-Itra, en arabe, cela désigne l'exagération, mais une forme particulière d'exagération qui est l'exagération dans les éloges. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous interdit d'exagérer dans ses éloges comme les chrétiens ont exagéré dans les éloges du fils de Mariam, c'est-à-dire dans les éloges de Isa alayhi salam. On a vu dans le verset tout à l'heure de Sourate An-Nisa, Ya ahl al-kitab la taghlou fi dinikum. Ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la suite de ce verset, qu'est-ce qu'il dit? Wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Et ne dites au sujet d'Allah que la vérité. Innamal masih Isa ibn Maryam Rasulullah. Le Messie, Isa, fils de Mariam, Jésus, fils de Marie, n'est que le messager d'Allah. Donc Isa alayhi salam, c'est un messager. Ce n'est pas lui Allah, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le fils de Dieu, mais c'est un serviteur et un messager d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous interdit donc d'exagérer à son sujet comme l'ont fait les chrétiens avec Isa alayhi salam. Et il dit, mais je ne suis qu'un serviteur. Et ceci est un honneur pour l'homme d'être un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Notamment en ce qui concerne la servitude particulière, qui est de fait de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant un culte exclusif, d'obéir à ses ordres, de délaisser ses interdits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne donc de dire à son sujet qu'il est le serviteur d'Allah et son messager. Nous interdit donc l'exagération dans ses éloges, de ne pas lui donner un rang qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas donné, alors qu'il est le meilleur des hommes, sallallahu alayhi wa sallam, le maître des enfants d'Adam. Malgré cela, il interdit l'exagération à son sujet. Alors que dire de ceux qui exagèrent au sujet des walis, au sujet des vertueux, et ainsi de suite, qui les invoquent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui prétendent qu'ils sont des intercesseurs, qui prétendent qu'ils peuvent répondre à leurs invocations. Il n'y a pas de doute que tout ceci relève de la plus grande fausseté. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné un deuxième hadith, qui est la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Prenez garde à l'exagération, car ce qui a fait périr ceux qui vous ont précédé est l'exagération. » Comme on a vu, l'exagération, c'est le fait de dépasser les limites qui sont légiférées. Et ce qui a fait périr les chrétiens ou les juifs, c'est l'exagération à l'égard des vertueux. Les juifs ont exagéré au sujet de Uzair, les chrétiens ont exagéré au sujet de Isa alayhi salam, au sujet de sa mère Mariam. Et ceci les a fait périr, ceci les a fait s'égarer du droit chemin, s'égarer de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, en s'éloignant du tawhid et du culte exclusif qui ne doit être voué qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, il dit au sujet de ce hadith, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde contre l'exagération, ceci est général et concerne toutes les formes d'exagération, que ce soit dans les croyances ou dans les œuvres. Et ce car l'exagération, c'est une cause de perdition ici-bas et dans l'au-delà. Il n'y a aucun bien dans l'exagération. Et la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une religion de juste milieu, qui se situe entre l'exagérateur et le laxiste. Toujours la vérité, elle se situe entre deux extrêmes. Entre l'exagération et le laxisme, et le juste milieu, la modération, c'est la voie du salut, bi'idhnillahi ta'ala. Enfin, le shir, rahimahullah ta'ala, a mentionné un troisième hadith, et il a dit, et Muslim rapporte d'Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, halakal-mutanatti'un. Les mutanatti'un, que l'on pourrait traduire par les exagérateurs, ont péri. Et il répéta cela à trois reprises. Al-mutanatti', c'est celui qui exagère au point de traiter des choses qui ne le concernent pas, ou de choses que sa raison ne peut atteindre. Al-mutanatti'un, cela désigne ceux qui exagèrent également dans leur manière de parler. Nawawi, rahimahullah ta'ala, il a dit au sujet de ce hadith que l'on en tire la réprobation dans le fait d'exagérer dans la parole en s'imposant une éloquence extrême, ou alors en utilisant des expressions ou des termes qui sont très soutenus, et ce en s'adressant aux gens de la masse ou à leurs semblables. Les gens de science ont dit comme par exemple en prononçant des paroles que les gens ne comprennent pas, ou des mots que les gens ne comprennent pas, parlant d'une manière soutenue, de sorte à ne pas se faire comprendre, comme c'est le cas de certains orateurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide sur la voie du juste milieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc dit que cette exagération, c'est une cause de perdition, il le répéta à trois reprises, et ce afin d'insister sur le danger de cela. On tire de ces trois hadiths de nombreux bénéfices, mais en résumé, on en mentionnera quelques-uns, inshallah ta'ala. Le premier est la mise en garde du prophète sallallahu alayhi wa sallam contre le fait d'exagérer à son sujet, notamment dans ses éloges. Car ceci mène au polythéisme, comme cela a conduit les chrétiens à tomber dans le shirk en adorant Isa. Le deuxième bénéfice est qu'il y a en cela une réfutation contre les auteurs de certaines poésies qui contiennent de l'exagération à l'égard du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a mentionné au sujet de Al-Burda, la poésie d'Al-Busayri, qui est malheureusement récitée parfois par des personnes ignorant ce qu'elle comprend comme exagération et comme mécréance, wal'iyadu billah. Le troisième bénéfice est l'interdiction du fait de s'assimiler aux mécréants de manière générale et plus particulièrement aux chrétiens. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: n'exagérez pas dans mes éloges comme les chrétiens ont exagéré au sujet du fils de Mariam. Et ceci est une interdiction qui est générale. Et entre dans cela l'exagération au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam en célébrant le Maolid, comme le font de nombreuses personnes chaque année, qui ont suivi en cela la voie des chrétiens, qui eux-mêmes fêtent la naissance de Isa alayhi salam, comme ils vont le faire ces jours-ci en célébrant la fête de Noël, et ils prétendent que c'est le jour de la naissance de Jésus. Donc certains musulmans, ils se sont assimilés à eux, assimilés aux chrétiens, et ils ont instauré une chose qui n'existe pas dans la religion, et qui est la célébration du Maolid. Et cette chose, il est important de savoir que c'était une chose inconnue dans les premiers siècles de l'islam. Ceci n'a été pratiqué ni par les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ni par Abu Bakr, ni par Omar, ni par Othman, ni par Ali, ni autre que parmi les premiers au paradis ou ceux qui ont participé à la bataille de Badr, et ainsi de suite parmi les compagnons. Aucun d'entre eux n'a célébré le Maolid, l'anniversaire de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après eux, aucun parmi les tabi'in, leurs disciples, les disciples des compagnons, n'a célébré cela. Aucun parmi les grands imams, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed, rahimahumullahu ta'ala, n'a célébré cela. Ceci est une chose qui n'est apparue que plusieurs siècles après les premières générations de l'islam. Et il n'y a pas de doute que ceci est une innovation qu'il incombe aux musulmans de délaisser, et notamment pour ce qu'elle contient comme ressemblance aux chrétiens. Le quatrième bénéfice que l'on tire de ces hadiths est le fait qu'il est légiféré de faire des éloges au prophète sallallahu alayhi wa sallam en mentionnant ses nobles attributs, comme le fait qu'il est le serviteur d'Allah, qu'il est son messager, qu'il appelait Allah, qu'il a transmis le message de la meilleure manière, qu'il a lutté sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure manière, et ainsi de suite parmi les nobles attributs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ceci est une bonne chose et c'est une chose légiférée. Mais ce qui est interdit est d'exagérer à son sujet, comme par exemple en lui attribuant des choses qui sont propres à Allah subhanahu wa ta'ala. Le cinquième bénéfice que l'on tire de ces hadiths est la grande compassion du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour sa communauté. Car comme on le voit à travers ces hadiths, il a interdit l'exagération de manière générale. Et il l'interdit à plusieurs reprises et sous plusieurs angles, sous plusieurs aspects. Il a interdit l'exagération dans les éloges. Il a interdit l'exagération dans la parole. Et ainsi de suite, comme on le verra dans d'autres hadiths, dans les chapitres suivants. Le sixième bénéfice que l'on tire de ces hadiths, et qui est une chose nécessaire à comprendre, notamment lorsque tu souhaites interdire le mal. Lorsque tu interdis une chose à quelqu'un, comme par exemple une innovation, une chose qui n'est pas légiférée, il est important que tu lui proposes à la place de cette chose une adoration qui est légiférée et qui viendra la remplacer. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a interdit d'exagérer dans ses éloges, puis après il a dit: dites à mon sujet que je suis le serviteur d'Allah et son messager. Donc lorsque tu vas interdire à quelqu'un, par exemple, d'utiliser la sabha, le chapelet, en lui expliquant que ceci n'est pas légiféré, comme le démontre notamment le athar de Abdullah ibn Mas'ud avec ceux qui faisaient du dhikr en comptant avec des petits cailloux. Tu rappelles donc à cette personne que ceci n'est pas légiféré et tu lui expliques la manière légiférée de compter tes formules de rappel, de compter ton tasbih, ton tahmid, etc. Et ce, en comptant avec les phalanges des doigts. Et il en est de même concernant les différentes choses. Par exemple, si une personne pratique une forme de jeûne qui n'est pas légiférée ou une prière qui n'est pas légiférée, tu l'orientes vers les jeûnes qui sont recommandés, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans les hadiths authentiques. Également, tu l'orientes vers les rawatib, les prières surrogatoires qui sont légiférées, les prières de nuit, ainsi de suite. Quoi qu'il en soit, ce que l'on tire comme bénéfice, c'est que lorsqu'on interdit une chose à quelqu'un, il est nécessaire de l'orienter vers une chose qui va la remplacer, afin de ne pas lui laisser un vide, mais de l'orienter vers ce qui est légiféré dans ce domaine. Enfin, le septième bénéfice que l'on va mentionner ici est qu'il y a également dans ce hadith l'interdiction de l'exagération dans les adorations. Et l'exagération dans les adorations, elle désigne le fait de dépasser les limites qui sont légiférées, que ce soit dans la forme, dans le nombre, ou dans le moment ou autre que cela. Lorsque tu souhaites accomplir une adoration, tu ne dois pas l'accomplir de ton propre chef, simplement parce que tu penses que c'est une bonne chose. Mais tu dois d'abord t'assurer que celle-ci est bel et bien légiférée, car la base au sujet des adorations est l'interdiction. Et les innovations, elles sont de deux sortes. Il y a des innovations qui sont, comme les gens de science les ont appelées, haqiqiya, qui sont des innovations réelles, c'est-à-dire que la chose est totalement nouvelle, elle n'a pas d'origine dans la législation, à l'exemple du maolid. Et il y a des innovations qui sont idrafiyya, c'est-à-dire que ce sont des ajouts. Ce n'est pas une nouvelle adoration, mais c'est une adoration qui est accomplie, par exemple, d'une manière qui n'est pas légiférée, ou à un moment qui n'est pas légiféré, ou dans un lieu qui n'est pas légiféré. Comme par exemple, ceux qui veillent la nuit du milieu du mois de Sha'ban, ou alors ceux qui jeûnent en ce jour-là, en le visant particulièrement. Le jeûne, c'est une chose qui est légiférée à la base. La prière de nuit, c'est une chose qui est légiférée à la base. Mais le fait de spécifier un moment précis, sans avoir aucune preuve quant au fait que ce moment peut être spécifié, alors ceci est une innovation. C'est une innovation comment? Idafiyya. C'est-à-dire que c'est un ajout à ce qui est légiféré, la personne a ainsi dépassé les limites dans l'adoration et a fait de l'exagération. Et ce, car la base de son adoration est légiférée, mais elle a restreint un moment précis, ou un lieu précis, ou l'a fait d'une manière précise qui n'est pas légiférée, et c'est pour cela que cela relève de l'innovation et que cela est interdit. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. On a terminé au sujet de ce chapitre, à travers lequel on a vu que l'exagération ne mène à aucun bien et que notre religion est la religion du juste milieu et que la voie droite dans celle-ci est la voie du juste milieu entre l'exagération et le laxisme et que le musulman doit prendre garde à l'exagération dans la religion de manière générale et notamment l'exagération à l'égard des vertueux, que ce soit en exagérant dans leurs éloges, en leur donnant un rang qui n'est pas le leur, ou pire encore, en exagérant à leur sujet, en leur vouant le culte et en les adorant en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, car ceci est la cause de la mécréance des enfants d'Adam et de leur délaissement de leur religion, et c'est la raison pour laquelle le shirk est apparu sur terre chez le peuple de Nuh, alayhi salam. On verra dans le prochain chapitre, inshallah ta'ala, la mise en garde contre le fait d'adorer Allah, subhanahu wa ta'ala, auprès de la tombe d'un homme vertueux. On va donc s'arrêter là pour ce soir. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum.